Tonight, we come together, bound by our faith, with genuine respect, and inheriting the legacy of a great party. This is not a perfect party. We are not a perfect people. Yet we are called to a perfect mission. Et bonsoir à tous, bienvenue dans la boîte à bordel, une émission qui commence un petit peu plus tard, à finir un peu plus tard, sans exagérer. Alors, ce mois d'octobre, assez noir, il n'y a pas le septembre, et alors là, octobre, je ne sais plus, il sera plutôt noir, il n'y a plus de lumière, plus d'espoir. Bref, c'est une émission donc que je vais faire sur un label qui est basé en Corse, qui s'appelle Lake of Confidence. Alors c'est un label qui a été créé en 2020, qui est un petit peu autour de la dark wave, synth wave, tout ce qui est un peu expérimental, un peu ambiante, un peu il y a un peu d'italo disco, il y a un petit peu des ambiances que vous verrez assez tournées vers ce genre de musique qui me sied bien en ce moment, je sais pas pourquoi, Alors c'est un label en fait qui a été créé donc en 2020 après la crise sanitaire en fait donc les créateurs du label ont souhaité qu'il y ait pour les artistes corses une visibilité et donc ils ont créé ce label pour qu'ils puissent se produire et créer des productions digitaux. Enfin, divers supports. Alors c'est un label qui ressemble un petit peu au label que je vous avais présenté le tout premier. C'était le label Alpage. Je sais pas si vous vous souvenez, un label français basé dans le Haut Avesnois, vers Maubeuge, tout ça. Où je trouvais qu'il y avait un petit côté dark comme ça, dark disco, italo disco. Et le label In Paradisium qui avait un peu buggé là quelques mois. Que j'ai toujours pas mis en podcast parce que le micro n'avait pas été enregistré. Enfin, donc voilà, je me dis que ça répondra un petit peu à ces labels. C'est marrant parce que bon, finalement, de ce qui s'est passé dans l'actualité récemment, l'actualité corse a été aussi très mouvementée puisque il y a eu une grève massive dans les ports et aéroports, une grève qui a abouti à la non-privatisation de ces ports par des sociétés internationales. Il y a donc un mouvement qui a quand même été couronné de succès, on va dire, par rapport à d'autres où on se demande s'ils font réellement l'effort de faire changer les choses ou si c'est vraiment volontaire d'aller au bout des choses sans qu'on change quoi que ce soit. On peut dire c'est comme quelqu'un qui va essayer de faire un effort pour quelque chose et qui dit non mais je vais le faire et puis on le fait jamais. Voilà, donc c'est sûr que on peut se demander. Alors, ce label qui est basé à Bastia, hein, donc on va commencer. Alors, cette petite sélection. J'avais également ensuite des nouveautés en pagaille. Et puis des choses, des événements qui auront lieu sur le mois d'octobre, qui sont intéressantes sur Saint-Étienne. Très très riche, l'actualité des sorties. Bon, on va se commencer avec un morceau d'un artiste qui s'appelle Valédiction. Le titre phare, là, c'est Ville comme une roue. Well. Et l'album c'est Valédiction Part 1, donc c'est plus de la cold wave, un peu synth wave comme je disais, donc c'est sorti en juin 2020. Après on aura un artiste qui s'appelle North Frequency Canal et un autre artiste ensuite qui s'appelle On va faire comme le cher Trump disait, In Trinity, donc on va aller sur des triptyques, voilà, le chiffre 3. On va pas aller dans les trucs un peu symboliques comme certains peuples qui sont... c'est intéressant tout ça. Mais en tout cas, là, moi, c'est plus pour que le rythme soit assez acceptable. Donc, allez, on va aller sur le morceau de... attends, il faut que je reparte, parce que ouais, comme j'étais sur la technique de la... De la CNT, alors j'ai perdu tous mes dossiers, je les ai mal préparés, quelle horreur. Allez, on va se commencer pour se mettre bien sur la boîte à bordel. get or will I not? It took me long to realize that it's love that distinguishes man from stones, trees, rain, and that we can lose our love, and that love grows through loving. Yes, I have been so completely lost, so truly lost. There must be something, somehow I feel very soon, something that should give me some sign to move one or another direction. I must be very open and watchful now, completely open. I know it's coming. I am walking like a somnambulist, waiting for a secret signal, ready to go one or another way, listening into this huge white silence for the weakest sign or call. Sur la boîte à bordel et j'ai commencé dans le dur avec un morceau d'ambiance assez particulier d'un groupe qui s'appelle MAR. Alors c'est des Montréalais, enfin ils sont basés au Québec mais ils sont sur le label de Lake of Confidence que je vous présente ce soir avec des artistes variés. Alors c'est vrai que en général les morceaux d'ambiance quand je sélectionne des labels où il y en a un petit peu, je les passe à la fin. Et là je me suis dit mais pourquoi je les passerai pas au début vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont se coucher parce que demain c'est lundi. Alors je me suis dit bon bah hop, mettons-les au début comme ça au moins vous aurez écouté la fin. Oui puisque bon il y a rien de logique en ce moment hein, donc tout est dans le même acabit pour moi dans cette émission de la boîte à bordel. Voilà, c'est comme les charlots qui mangeaient le dessert avant le... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez cette référence de vieux. Ouais, je vais arrêter. Bon, alors, donc, c'était MAR, M-A-R, donc un projet qui est sorti en octobre 2020. Et cet album s'appelle Amphora, comme une amphore. Une amphore... J'ai visité le musée antique à Arles là, récemment et j'ai appris que les amphores en fait c'était un contenant à usage unique. C'est fou hein. Et le morceau que je vous ai passé s'appelait Ponent. Voilà. Alors je vais vous lire juste, alors ça va faire le petit résumé sur leur lien Bandcamp. Je trouve que c'est très très beau. Alors ils expliquent leur projet. Donc MAR est un projet initié par Grégoire Oriot, As Human Pattern Mururoa et Julien Magot Appalache, mêlant musique électronique, intensité rock et cinéma expérimental entre guitare éthérée, plongée, drone et rythmique répétitive. Amphora convoque la voix et les songes du poète cinéaste lituanien Jonas Mekas à travers quatre segments, tableaux croisés dans lesquels ses mots irriguent les errances hypnotiques et célèbrent les réminiscences, autant de visages et de sensations esquissant les contours d'un lointain rivage. Oh, c'est beau. Alors voilà pour ce magnifique morceau de 9 minutes 40. Alors avant c'était North Frequency Canal, un producteur groupe qui vient de Calvi. Je sais pas trop leur bio, c'est toujours très mystérieux. Faudrait que je me rende sur place, mais bon, vu qu'il y avait la grève, non, c'est bon, c'est résolu. Enfin, faut aller jusqu'en Corse. Enfin bon. Donc un truc aussi drone et ambiante qui est sorti en mai 2022 avec le morceau Trials of Mountain Top et l'album s'appelait Anthropica Negative et juste avant c'était Valédiction avec le morceau Will comme la roue qui tourne et l'album c'était Valédiction Part 1. Cold Wave, ça commençait fort, on s'est dit waouh et tout, et puis après là, ambiante. Bon, je vais continuer cette petite sélection avec une artiste qui s'appelle Ma, avec un accent Sur le A. Alors, il se définit... c'est une pop sensible, on va dire. Alors, ma, en fait, ça veut dire, en japonais, les différentes variations subjectives du vide. C'est assez abstrait. Mais malgré tout... On peut le visualiser quand on passe dans cet état-là, enfin de vide, dans sa vie affective, dans tout, quoi. Donc, c'est un projet qui est mené par Marie-Cécile Hanin et Pasqua, ça doit être dur à porter, Pancrasie. On est plus dans la New Wave, Dark Wave, là, c'est... ouais, on va repartir sur un truc un peu plus classique. Donc ça, c'était sorti en septembre 2023. Et ensuite, donc, un autre morceau de ces mêmes personnes qui ont sorti en mars 2023. Non, en... dans les eaux, là. Un morceau qui s'appelait Yellow, et c'est Valédiction que j'ai présenté en début, qui a refait un remix. Voilà. Et ensuite, ça sera Berthe. Ouais, Berthe. C'est pas mal, hein. C'est intéressant, hein, d'aller voyager un peu quand on sait qu'on va être bloqué toute l'année dans ce monde merveilleux. Alors, dessin, D-E-2-S-E-I-N. Ah oui, je n'explique pas comment on écrit. Notre destinée. Thank you. monter en moi un désir sauvage, s'échapper en élan, s'évader l'enfant sage. Je sens brûler en moi ce désir sauvage, une rage contre cette existence en demi-teinte, une rage contre cette existence en demi-teinte. Plate, uniforme. Éternelle piqûre de rappel, je me remémore l'insouciance du vol léger de l'hirondelle parcourant mon adolescence. La nuit coulait au compte-gouttes. La poussière, la lumière, les sillons. L'excitation, l'envie, les doutes et les gouttes. Vers les tonnes au front. Sur la boîte à bordel et je vous ai passé un morceau d'un artiste qui s'appelle Berthe. C'est le morceau 1994 sur l'album Polarité. C'est sorti en mars 2023 et je trouvais magnifique ce poème d'une mélancolie profonde, d'un monde désenchanté. Ça me faisait penser à Schwedran un petit peu. Cette narration, elle me plaît de plus en plus dans les morceaux de Dark Wave. Disons, je m'oriente un petit peu dans l'électro, c'est tellement vaste, mais bon, il y a des petites préférences qui se profilent un petit peu en évoluant. C'est rigolo comment la musique nous émeut et on fait donc des choix en fonction de tout un tas de paramètres voilà. Juste avant, c'était donc le groupe Mar, qui signifie donc en japonais les différentes variations subjectives du vide. C'était le morceau Yellow, donc c'était un single qui était sorti donc en 2023. Et juste avant, Mar, pareil, avec le morceau Dessin, c'était sorti sur l'album La Traversée. Voilà. On continue dans ces ambiances mélancoliques qui remontent le moral. Bah, apparemment, quand on n'est pas en super forme, il faut écouter de la musique triste. Donc, ça ne sert à rien d'aller écouter de la musique joyeuse. Mais en même temps, quand j'écoute les radios des mass médias avec les artistes très connus qui font des sorties, c'est vrai que bon, je pense qu'il y a quand même moyen qu'on s'achète tous des cordes à Brico Dépôt. Tellement. Sont tous mal, hein. Y a pas un truc hyper énergique, je sais pas, ça donne encore plus envie de partir loin. Et du coup, je me dis quand même, là, même si c'est une musique triste et mélancolique, elle me parle dans une certaine mesure par la justesse du message apporté musicalement, etc. Bon, j'espère que ça vous touche dans la même mesure. Rythmiquement parlant, je veux dire. Voilà. Et on continue dans notre exploration de Lake of Confidence. Et on va aller sur un groupe qui s'appelle Sweet Dystopian. Ah oui, l'artiste d'avant, il était de Bastia. Emma aussi était de Bastia. Je n'ai pas dit, mais bon. Donc Sweet Dystopian, je vous présente là maintenant, donc avec un morceau qui s'appelle Anomaly. C'est bien, c'est des morceaux en français, on peut bien les dire, même si ça aurait été des trucs en corse, j'aurais du mal à les prononcer, parce que bon, c'est de l'italien, mais je suis pas très bonne en italien. Et là, en fait, c'était une compilation qui référençait un petit peu tous les artistes, qui est sortie en janvier 2022. Alors, pour la dystopie, hein, parce qu'en ce moment, on réfléchit vachement à tout ce qui est politique et gouvernance mondiale, etc. Qu'est-ce que on pourrait développer pour améliorer la population mondiale dans son sort d'incarnation terrestre. Enfin, la phrase est un peu complexe, mais enfin tout ça pour dire, on pourrait quand même réfléchir à un monde meilleur. Hein. Et du coup, la dystopie, j'ai trouvé ça intéressant parce que dans le Larousse et dans le Robert, ça n'a pas la même définition. C'est très étrange. Dans le Larousse, c'est marqué, c'est d'après la dystopie, ça vient de utopie. Hein, donc, mais donc dystopie voudrait dire société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire, une idéologie néfaste. Voilà la dystopie dans la définition du Larousse. Et dans le Robert, c'est un récit de fiction qui décrit un monde utopique sombre. Voilà, comme 1984, admettons. Voilà. Je trouvais ça drôle, les comparaisons comme cette définition. Des fois, on tombe sur des trucs assez surprenants dans les définitions. Bon. Jusqu'à présent, il n'y a que moi. Sweet Dystopian, donc le morceau. Ensuite, on aura un morceau d'un duo qui s'appelle Urse et ZRSZ avec le morceau Bastardo, comme moi, puisque je suis métisse moitié-moitié. Donc c'est vrai que quand on le dit souvent, ça m'énerve un petit peu, parce que ça résonne en moi quand j'entends cette insulte que les gens ne profèrent comme dans les stades de foot sur les insultes homophobes. Je me dis qu'il y a quand même un problème avec peut-être une sexualité refoulée dans les stades, des fois, on se demande. Mais alors pourquoi là, à ce point, il y a des insultes comme ça qui reviennent. Enfin bref. Donc Bastardo, Là, ça, c'est plus en italien. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser avec les Italiens et cette insulte. Enfin, je ne sais pas. Et l'album, c'était I Bastardi Aicini. Parce que c'est vrai qu'il y a un rythme aussi dans les mots en corse, dans les phrasés. C'est I Bastardi Aicini. Ou un truc dans le genre. Ouais. Et ensuite, du coup, je voulais vous passer encore un autre morceau de Urseu. Faut que je fasse gaffe à l'heure, parce qu'il y a déjà une heure qui s'est écoulée pratiquement dans la petite sélection. Mais c'est bien, hein, je pense qu'on avance et j'espère que ça vous plaît, hein, cette petite boîte à bordel sur Lake of Confidence. Oui, Sweet Dystopian, disais-je. Thank you. C'était Heurceux qu'on vient d'écouter avec le morceau Unreal Moment sur l'album Terms and Conditions. Termes et conditions, c'est mieux comme ça. Mais c'est même les conditions et les termes en français. Bah, je ne sais pas pourquoi on ne dit pas les termes et les conditions. Mais c'est en anglais, c'est peut-être comme ça. D'abord les termes, et, enfin bref. Et c'est sorti en juillet 2024. Ouais, c'est tout récent tout ça, la Bastardo, hein, c'est l'album juste avant. Heurceux avec donc O barré R S O barré slash S Z R S Z, oh yaya, avec le morceau Bastardo. Et du coup, le morceau, l'album, c'était Bastardi Ajaxini. Ouais. Donc c'est comme les spaghettis, donc si c'est un spaghetto, des spaghettis. Donc Bastardi Ajaxini, certainement qu'il y a quelque chose à voir avec un métissage à Ajaccio. Et je trouvais qu'il y avait un air de The Hacker un peu dans sa manière de produire ses sons. Là, je trouvais c'est assez trippy, talo disco, là, c'était cool. Et juste avant, je vous avais présenté du coup la Sweet Dystopian avec le morceau Anomaly qui est sorti, donc ça c'était en janvier 2022, sur la compilation Lake of Confidence. Alors on va se terminer cette sélection avec un dernier morceau d'une artiste qui s'appelle Stéphanie. Elle a sorti un album qui s'appelle Hôtel, et le morceau que je vous présente, ça s'appelle Disarm. Et en fait, cette artiste, elle a été repérée par le label Compact, Super Pitcher, hein, qui est un producteur qui œuvre sur Compact, qui avait remixé un de ses morceaux. Alors du coup, il y avait eu un pont qui s'était fait avec Compact. C'était assez intéressant à noter. Et puis bon, le morceau Disarm, Désarmé, voilà, je trouvais ça intéressant dans la conjoncture actuelle, géopolitique, tout ça, sur Hôtel, A-U-T-E-L, hein, l'album, je trouvais tout était bien corrélé, ça marchait bien, ça matchait bien, en décembre 2023, c'était déjà acté, tout ça, peut-être, ou pas, bon, on sait pas, en bref, dernier morceau, puis après on va aller dans les nouveautés, ça va changer un peu de style. don't hide. Je laisse finir le morceau, c'est important, qui est un début et une fin, avec le morceau donc de Stéphanie qui s'appelle Disarm sur l'album Hotel, qui est donc sorti chez Lake of Confidence, le label corse que je vous ai présenté. Et je voulais conclure juste par rapport au désarmement, je serais ça drôle. Ça faisait des mois et des mois que je demandais à faire partie du groupe Facebook de Michel Colomb, qui est un politologue, qui fait pas mal d'analyses, décrypte vraiment géopolitique, etc. Et une fois, j'avais vu un extrait sur l'émission de débat sur France 2 qui s'appelait pas J'irai dormir chez vous, mais J'irai dormir chez vous. C'est quand même ce qui se passe. Pardon. Ce soir ou jamais, pardon, qui était animé par Tadei et qui n'existe plus d'ailleurs, cette émission. Et donc, il était invité et il expliquait l'importance que les médias, et du moins la complicité des médias, peut-être aussi, on peut dire, par rapport à la politique qui est menée, hein, vu qu'il faut bien un support de communication pour mettre au devant de la scène, on va dire, ce qui se passe, ce qui va être proposé dans les enjeux politiques. Donc, en gros, il expliquait que pour pouvoir faire en sorte qu'une guerre existe, il fallait fondamentalement que cette guerre puisse être acceptée par la population. Donc démontrer qu'il y a des méchants et des gentils, etc. Voilà. Et donc il démontrait tous les conflits, notamment en Irak par exemple, qu'on avait découvert des armes de destruction massive et qu'on avait assassiné Saddam Hussein. Enfin, qu'on l'avait tué pour des raisons politiques, parce qu'il fallait protéger l'intérêt des États-Unis indirectement. Et que c'était complètement faux en fin de compte, mais qu'on avait réussi à créer un mensonge d'État pour déclarer une guerre dont les intérêts étaient beaucoup plus cachés finalement à la population pour ne pas éveiller de soupçons, voilà, sur les enjeux majeurs, en fin de compte, qui avaient été donc l'exploitation du pétrole, etc., et puis la mainmise de l'État pour tout ce qui était reconstruction, donc des entreprises qui reprennent le contrôle donc dans les pays et notamment je ne savais pas par exemple là j'ai appris que Total par exemple possédait des champs pétrolifères dans le sud de l'Irak. Je vais avoir un doute si c'est la Libye ou l'Irak. Il faut que je vérifie. Mais c'était pour dire que voilà donc il y a des entreprises étrangères qui reviennent dans les pays. Pour pouvoir reprendre la main sur l'exploitation et que ça aille à leur profit finalement. Mais bon voilà, c'est le début du truc, c'est que voilà, il y a des méchants et des gentils et il faut que vous vous positionniez dans le camp des gentils ou des méchants et puis en même temps voilà, vous faites partie du camp des gentils ou des méchants, alors voilà, c'est comme un club de foot. C'était pour les verts, les rouges, les jaunes. Voilà, c'est pareil, c'est un truc de fou. Hein. Bon, j'arrête. Mes réflexions, peut-être stériles ou pas, enfin bon, bref. Donc, je vais aller sur le terrain des nouveautés. Et alors, je vais vous présenter un artiste qui vient de là où j'habitais. Je faisais un point, ça fait 6 ans que je suis partie de chez moi, là, je commence à... Qui s'appelle, alors c'est ça qui est drôle, Grand Bordel, alias Julien Petit. Alors il est issu d'un label qui s'appelle Lune, comme la lune. Et donc c'est un label qui a été fondé par un des anciens ingénieurs du son de la SMAC de Reims, qui s'appelle La Cartonnerie. Et cet ingénieur du son qui s'appelle Kouch. Donc ça fait 10 ans qu'ils existent. Hein, donc ils ont créé un label où pas mal de producteurs qui officient dans ce label où ils font aussi quelques soirées de temps en temps, mais voilà, c'est plutôt rare, surtout à Reims. Quoi. C'est très compliqué de faire des soirées. Il n'y a pas forcément... Enfin, il y a un public pour une certaine... c'est assez compliqué, c'est comme partout d'ailleurs. Donc voilà, je vais vous passer donc un petit morceau qui s'appelle Petit Moment Calme. Donc c'est sorti sur la compilation des 10 ans hein, du label Lune. Ensuite, je suis tombée sur un morceau, ça a fait un bail qu'il n'en a pas sorti, de Dub Master sur SoundCloud. Et le morceau s'appelle Freestyle. Un truc assez son. Et il y a un morceau assez rigolo. Ah non, mais ça fait 6 minutes 20, il est 22h, qui s'appelle Schnubb, S-C-H-N-U-B-B. Je trouve ça très drôle aussi, c'est dans les nouveautés. Qu'est-ce que j'avais noté pour Schnubb? Ah oui, lui, il est de Montréal aussi. Ouais. Le morceau s'appelle Oversteer et l'album s'appelle Schnubb. Et c'est de la hard trance. C'est très drôle. J'aime bien. Ça augure un petit peu certaines choses qui vont arriver sur Saint-Étienne avec le Positive Education Festival. Voilà. Allez, petite sélection de nouveautés donc qui sont sorties. Schnubb, c'est pas vrai, c'est sorti en 2022. C'est une nouveauté qui a 2 ans. Bon, ça va, c'est pas très vieux non plus, mais bon. Allez. Oh yeah. With your fight with they'll say slavery and genocide you must forget, but always remember when New York got hit with the jets. You buck when they fucking hear. You're right. C'était Schnub avec le morceau Oversteer. Bon, alors, c'est, je l'ai choisi, c'est en fait, c'est, ça fait hyper hard trance et c'est très contemporain en fin de compte. Et j'ai écouté toute la programmation du Positive Education, j'ai pris le temps, entre guillemets, et j'ai constaté, de toute façon, ça fait un moment déjà, qu'il y a un revival des années 90 assez fort, qui, comme une espèce de nostalgie de ces raves qui avaient lieu. Donc, là, ça ressemble, on avait l'impression d'être un peu en Belgique, on avait l'impression, enfin, c'était assez art style là. C'est revisité, quoi, avec il y a. Alors, certains avec un côté analogique parfois, mais souvent quand même avec des instrus digitaux, et c'est vrai qu'on entend là, c'est assez répétitif. Bon, 6 minutes 20, c'est sûr qu'en club c'est sympa. Voilà, bon, c'était juste pour faire un petit saut là-dessus sur les programmations actuellement dans les soirées. Alors, il y a un autre artiste, c'est un petit peu dans le même style. On a l'impression que c'est un peu du électro-afro, un peu ces mouvements un peu là actuellement. C'est ce que j'avais retrouvé beaucoup dans Positive Education. Il y a un retour un peu, les sons un peu Batucada, un peu il y a quand même beaucoup de sons breakés. C'est vrai que moi j'aime bien tous ces sons là, c'est vachement sympa, mais je trouvais qu'il y avait on est vraiment dans ça. Moi j'ai grandi avec l'eurodance, l'eurodance, la dance, enfin tous ces trucs là. C'est vrai que c'était la musique un peu entre guillemets commerciale qui sortait dans les masses médias, je sais pas. Après, moi, c'est vrai que j'écoutais de la musique un petit peu avec la télé, on va dire, les clips, et puis la radio un peu, mais quand même, avec les chaînes étrangères. Et je trouve que là, actuellement, c'est vrai qu'on retombe énormément. Alors, dans les clubs, il y a un peu ce style-là qui est joué. Il y a aussi dans le positive éducation, j'en reparlerai, mais parce que je ferai une émission, je pense, le mois prochain là-dessus. Il y a beaucoup de sons warehouse, évidemment, parce que, bon, on est sur un festival. Mais. Voilà, c'est bien, mais c'est pas bien. Je sais pas, c'est une bonne nostalgie, en fait, de revisiter ces périodes-là. Et à la fois, il y a un espèce de truc futuristique avec des sons psy-trans. Alors moi, j'avais plutôt l'habitude d'entendre ça dans des soirées, pas dans les free parties, mais il y avait des mouvements qui étaient un peu bon, dubstep, drum and bass, jungle, voilà, donc ça c'était un peu catégorisé comme ça. Il y avait les autres soirées un peu free party, free party, voilà, et eux ils écoutaient la psy-trans, les sons tribaux, des trucs comme ça. Et puis après il y avait une autre catégorie de gens qui écoutaient la techno, la hard techno, enfin la deep techno plutôt, les sons house, deep house, tout ça. Donc ça c'était plutôt catégorisé dans les clubs un petit peu entre guillemets les bobos, quoi. C'était voilà, alors que ceux qui écoutaient de la psy-trance ou de la drum and bass, c'était un peu comme on pourrait dire les ouvriers, comme en Angleterre. C'est intéressant de voir les publics qui y vont. Moi j'aime bien tous les styles de musique, je suis assez électron libre, c'est pour ça que j'ai fait cette émission d'ailleurs. Mais c'est assez intéressant, voilà, que là maintenant, donc le positive éducation finalement, et même au fil là, il va y avoir une soirée qui va être consacrée au son un peu de teuf, quoi, et je suis assez surprise qu'on réinvite des personnes dans des locaux qui sont censés être bon, c'est musique actuelle, hein. Oui, c'est de la musique actuelle, mais elle a plus de 20 ans, cette musique aussi actuelle entre guillemets, et qu'on l'autorise enfin entre guillemets à rentrer dans ce genre de lieu, mais il y a d'autres musiques qui sont pas forcément accueillies. Après il y a des tendances, il y a un public pour ça, forcément ça vend des tickets, tout ça. Moi j'essaie de comprendre un petit peu, voilà, les programmations, les styles, un peu comme ce que je disais avec Brice Coudert, là, c'est un peu un Parisien qui avait lancé les soirées concrètes sur la péniche concrète, c'était très techno. Moi, quand j'y allais, enfin voilà, on était dans une ambiance particulière. Et maintenant, je trouve que voilà, il s'est réorienté dans un autre style de musique. Alors c'est peut-être les tendances, hein, c'est sûr. Mais on va en Allemagne, c'est pas du tout ça. On est dans d'autres dynamiques, ils sont plus dans du hard techno, acid techno, des choses comme ça. Et là, nous, en France, c'est une autre manière. Enfin, ça dépend après des programmateurs, voilà, leur affinité, etc. Bon, bref, je vais arrêter. Sans fin. Du coup, j'avais envie de passer un son de... Putain, il est 22h20. J'avais envie de passer un truc de Rome, ça s'appelle Rome 7. Mais bon, c'est un peu sous Étienne de Crécy, Mathias Zimmermann, Château Flight, du coup, je voulais... Oh, c'est peut-être pas la peine. Je vais passer un truc plus sympa, peut-être... Ah oui, il y avait Midnight Totem, je trouvais ça rigolo parce que ça, il faisait partie du même label que Dub Mentalist. Le morceau s'appelle Disruptive. Et c'est trop, ouais, c'est justement, alors ouais, c'est les sons un peu basse musique, là on est dans une autre enfin dans la dimension catégorisée, mais c'est pas forcément génial de catégoriser, mais bon, malgré tout, quand on observe, enfin il y a des études de marché, on voit bien les gens qui écoutent certains types de musique, là on les programmerait pas dans des salles pour vendre des tickets, enfin soyons lucides. Alors, du coup, je disais que je voulais vous passer Midnight Totem, Disruptive. Ouais, ça dure 3 minutes. Et puis après, j'avais du dub. Alors, on va enchaîner. Du dub chinois. Donc, ça s'appelle Taiga. C'est un label, alors c'est très drôle. Alors c'est un label qui est basé en Chine, et alors c'est quand même assez étrange, c'est des artistes qui viennent de Mongolie et du Xinjiang, qui est la province du Ouïghour en fait, et donc ils ont fait un dub de Mongolie, quoi. un dub mongol. Et c'est très drôle. Et alors, il y a Sevalda, notre artiste du label. Alors, le label, je vous le retrouverai après. C'est assez drôle. Donc, ouais, Oriental Order Records. C'est basé à Chengdu. Et du coup, le morceau que je vais vous passer, c'est Internet Mond is Controllable. Alors, je ne sais pas combien de temps il va durer ce label, mais c'est assez rigolo. Bon, allez, on en y va. Midnight Totem. Sevalda, allez, on va dans l'ordre, et Taiga. C'est un peu brouillon, mais c'est préparé, hein, mais on s'en rend pas forcément compte des fois. On vient de s'écouter Taiga, un groupe de dub qui vient de Mongolie. C'est assez drôle parce que le morceau s'appelle Pandma Sambhava. Et alors, on apprend ces trucs quand on écoute de la musique alternative. C'est le fondateur, en fait, Pandma Sambhava, du bouddhisme tibétain, qui est à l'origine de construction de temples, de monastères, du moins. Et en fait, ce Pandma Sambhava, il vient de la province qui est maintenant appelée donc, le Pakistan. Quand l'Inde a été séparée aussi parce que les musulmans et les hindous ne s'entendaient pas, voilà, on a créé des états, hein, chacun, voilà, chez toi. Et du coup, ce fondateur, hein, est aussi vénéré finalement que Bouddha. Et c'était rigolo de trouver un morceau qui porte ce nom. Et juste avant, c'était Cévalda, C comme C, et Valda comme une pastille Valda. Et c'était le morceau Entertainment is Control Label, sur un album qui s'appelait Fountain. Tout ça, c'est sorti là en 2024, septembre. C'est du tout récent, tout chaud, tout beau. Et juste avant, donc c'était Midnight Totem, donc c'est un artiste de Rennes qui est donc sorti sur un label qui s'appelle Syrinx Music, un label français où Dub Mentalist y figure. Et le morceau s'appelait Disruptive et c'était sur l'album Midnight Totem, tout ça aussi. Récemment. Alors, il va falloir que je termine un peu cette émission, parce qu'il est 22h41. Alors, on finit ouais, on finit. Je vais mettre le morceau de Outro de mon ami, enfin ami imaginaire, DJ Métatron. Pardon. Bon. C'était qui dit ça? Ah oui, Béatrice Dalle. Je sais pas pourquoi hier j'ai regardé l'émission La Belle Époque ou un truc comme ça là, avec Léa Salamé. Elle disait « J'ai jamais réussi, je suis célibataire et je n'arrive pas à trouver de compagnons qui soient aussi forts que des écrivains qu'elle lisait. » Alors, mince, très peinée de jeûner avec qui elle avait vécu des moments très forts. Ah mince, c'est vrai que oh, ça, j'aurais pas dû la sortir celle-là. Bon, enfin, j'ai trouvé ça rigolo qu'elle le dise comme ça. Enfin bref. La télé nous rend fous, mais j'ai trouvé que c'était un peu bof. Justement. Du coup, dans les événements qui arrivent, donc sur Saint-Étienne, alors j'ai noté. Alors, c'est un truc assez conséquent. À la Comète, déjà parce que je vais vous passer un petit morceau, même si 22h43, j'ai noté que il y a une performance freestyle avec des chorégraphies. Il y a une compagnie qui va faire des performances, et il y a donc un DJ set de Patrick de Oliveira et Nabil Sadji. Donc c'est du électro gnawa. J'ai trouvé ça Nabil Sensi, pardon, excusez-moi. Et donc ils vont se produire, c'est le 18 octobre à la Comète à Saint-Étienne. Et ça doit être intéressant de mélanger, voilà, il y a le Maroc et l'Argentine un petit peu, donc il doit y avoir un truc hyper caliente. Voilà. Donc si vous avez envie, je vais vous passer un morceau juste après. Il y a le Criminal Justice Act, c'est un label lyonnais qui va se produire au Clapier le 12 octobre. Et il y a une artiste que j'ai retenue, il y a Alchemia DJ Chemise, HYHT99. Enfin, tout ça pour dire que moi, il y a Maëlita que je trouve. Je passerai bien un morceau aussi. Oui, 22h40. Ensuite, il y a. Au fil. La soirée, donc, que je vous disais, un peu trans hardcore, là. Carcan Code Source avec T20. J'ai du mal, c'est important. T20 Acid Night, ou T2O plutôt, parce que T20, ça veut rien dire. Et alors, c'est de l'acid core, et donc ils ont invité des artistes qui viennent d'Autriche et de Belgique. J'ai écouté, je trouve que c'est assez hardcore, violent, ouf, prenez des bouchons. Après, qu'est-ce que j'ai noté? La Charbonnerie, l'émission de Charbonnaire qui se produit tous les vendredis soirs sur Saint-Étienne, fait une soirée le 26 octobre à la Gueule Noire. Et donc il y aura un DJ set du crew, et j'ai noté donc qu'il y avait un producteur qui s'appelle Relapse. Et franchement, ça démonte, ça déboîte, Relapse, rien que pour ça. Et du coup, j'avais un morceau à vous passer, si vous voulez, pour découvrir ce que c'était. Il y a le After Work Session. Alors, c'est donc la soirée un peu dub, électro-dub, au fil. C'est le 11 octobre, et il y aura Tetra Hydroka et Baku. Voilà, ça c'est pas mal. Et ah oui, c'était la soirée du festival Yakila qui s'est déroulée en août, ouais, et qui était hyper déficitaire. Et en fait, ils organisent le vous trouviez sur Facebook. Donc le festival Yakila, en fait, ils vont faire une soirée un petit peu pour récupérer de l'argent parce qu'ils ont trop dépensé. Ou du moins, il n'y a pas eu assez de gens qui sont venus. Voilà. Et donc, si c'est gratuit, vous pouvez aller y boire un petit verre juste pour les soutenir. Alors, je vais rechercher la date. Et il y aura une soirée Batucada avec un DJ set. Alors, ça sera au Frangin Frangine, 29 Avenue de l'Europe. Ça sera à Annonay, par contre. Et voilà. Alors, attendez, secours World Tour. Je trouvais que le festival avait été formidable. J'avais adoré les groupes qui avaient été sélectionnés. Et d'ailleurs, il y a Bien Sûr, par exemple, qui était excellent. Ah oui, et le groupe Clermont-Ferrand, enfin Auvergnat, qui chante en occitan, là. Vraiment, ça c'était excellent aussi. De rock progressif. Vraiment, vraiment. Donc, si vous voulez aller les soutenir, Secours World Tour. Donc, c'est à Annonay. Je sais pas comment vous faites si vous êtes encore en train d'écouter. Ah, voilà. C'était Brahma. Voilà. Oh, soirée terrible. Mais bon, il n'y aura pas. Il y avait Submarine FM qui était cool. Et du coup, je n'arrive pas à retrouver la date. Bon, vous trouvez sur Internet, c'est facile. On trouve de tout sur Internet. Enfin, c'est au mois d'octobre. Et alors, la dernière chose, ouais, c'est le Positive Éducation qui aura lieu du 14 novembre au 17 novembre au Parc des Expositions et au Clapier. Et donc, il y aura donc des artistes en veux-tu, en voilà. C'est vrai que c'est assez dense. Il y a pas mal d'artistes avec des performances scéniques assez surprenantes. Il y a quand même une bonne sélection globalement sur voilà. Après il y a de tout, quoi. Des artistes locaux, il y a des artistes lointains, des genres qui sont assez diversifiés, qui couvrent voilà, de la basse musique à la deep techno, des trucs un peu, comme je disais, trance, rêve plutôt. Plutôt des musiques breakées, avec les tendances actuelles. Et voilà, je pense que j'irai faire un tour si... j'ai le temps maintenant que voilà, j'ai démissionné. Alors, donc, je vous fais une petite sélection. Alors, je vais vous passer, comme je disais, même si c'est pour faire de la pub pour les événements sur Saint-Étienne, donc c'est pas très grave si je dépasse un peu. Donc c'est alors Patrick de Oliveira et Nabil Sansi, le morceau c'est Refuge Is Shit, donc dans la soirée de la comète. Maëlita pour la soirée Criminal Justice Act au Clapier le 12 octobre, et ensuite Relapse, qui est donc un producteur qui se produira le 26 octobre à la Gueule Noire lors de la soirée organisée par la Charbonnerie. Et voilà, voilà. وديما في البال طلب ربي فاجي الهوال غادي نهبال غادي نهبال تقادى جهدي ومازال نبغيك قادى جهدي قادى جهدي بابا لا رحم لا من يطق عليا دنيا حزين كل حياة ديما تكذب عليا وانا امي موزين كبنات ديما مشطونة بيا on vient de s'écouter Maëlita, donc qui se produira dans la soirée du Criminal Justice Act, le label lyonnais, qui viendra investir le clapier le 12 octobre à 23h30. Hein, c'est une soirée all night long. Et le morceau qu'on vient d'écouter, c'était Wifi is a Shit, qui est sorti alors, sur un album qui s'appelle This is O. This is O, oui. Je ne sais plus quoi. C'est pas grave. Et donc, c'est pas son dernier album, parce qu'en fait, ça va être une release partie. Et juste avant, du coup, il y avait Relapse, donc l'artiste qui est sur l'affiche de la soirée de la Charbonnerie, organisée le 26 octobre à la Gueule Noire. Donc, je vous avais passé le morceau Club Meth. Voilà. Et j'ai retrouvé la date du Yakila Festival. C'est le 18 octobre. Voilà, si vous voulez aller porter secours au festival. Parce que s'il y a encore des artistes comme ils ont proposé cette année, parce que ça faisait 5 ans que le festival n'avait pas existé, et là, ils ont fait le festival. Et c'est dur, hein, la culture. Voilà. Et juste avant, c'était le morceau Refuge, avec Nabil Sensi et Patrick de Oliveira, sur un album qui s'appelle Ymir, donc qui se produira donc le 18 octobre en DJ set, accompagné donc d'une compagnie qui proposera une chorégraphie performance freestyle, tout ça. C'est le 17 et 18 octobre qui aura donc performance freestyle chorégraphie, mais le DJ que je viens de vous passer, qui s'appelle donc Patrick de Oliveira et Nabil Sensi, se produiront le 18 octobre. Voilà, donc on va se terminer. Allez, c'est bon, il est 23h04, avec un dernier morceau pour dire au revoir et bonne nuit. Et donc je mets mon outro encore et encore, juste pour faire plaisir à son cerveau. C'est vraiment la fin, je vous le jure, j'ai abusé aujourd'hui, mais enfin c'est pas grave. Si vous écoutez, c'est bien, c'est sympa. Merci de votre sérieux jusqu'au bout de cette émission. Et donc, non, n'est toujours pas un oui. Gardez la foi, gardez la force et allez au bout de vos rêves, comme beaucoup de gens, voilà, qui ont du mal à passer le cap. Je vous souhaite de rejoindre les Grégores de la mise en route dans un monde plus positif. Voilà, changer des Grégores, l'horreur et tout ça, il faut aller autre chose. Mais oui, positivement, parce que le stress, je répète, hein, par rapport à ce qu'Henri Labourie disait, est sécrète du cortisol qui est délétère pour sa santé, puisque ça bouffe les gaines de myéline des neurones et petit à petit crée des maladies neurodégénératives, inflammatoires, chroniques, tout ça. Voilà. Donc, ne pas aller dans le stress chronique. Voilà. C'est délétère pour sa santé. Il faut absolument, absolument qu'on se soutienne mutuellement, même si c'est difficile. Voilà. Et si vous avez du travail comme infirmière, moi je veux bien aller aider des personnes qui ont besoin d'aide, mais sans que ça ne sécrète un taux de cortisol tellement élevé que je... Voilà, allez, je peux aller dans des burn-out, ce genre de trucs, quoi, des baisses de sécrétion de neurotransmetteurs. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Alors, si vous avez envie que je vous aide, ben, je peux venir être embauchée, je sais pas, mais dans une ouverture d'esprit, quoi. Voilà. Je vais pas m'épancher. Si vous avez du travail avec une personnalité atypique comme moi, hein, voilà. Je suis preneuse. Appelez Radio Dio et proposez ou même là, hein, si vous voulez, vous pouvez appeler, hein, au standard de la régie du studio. C'est au 04 77 25 05 94. Si vous avez du travail à me proposer, alors voilà. J'ai un petit peu d'expérience, je dis pas qu'il faut racheter mon expérience, c'est pas ça que je veux dire, mais bon, si je suis payée comme une nouvelle diplômée, c'est vrai que... Mais bon, si les temps sont durs, je comprends. Si c'est de la solidarité, je comprends aussi. Voilà, je ferai... Si l'ambiance est bonne, je ferai ça. Bon, allez, dernier morceau. C'est Shabba Zawania que je vous propose. Mais Zawania Sril, c'est-à-dire petite. Et pourquoi je vous propose ça? C'est parce qu'hier, je regardais sur Deezer les nouveautés et je suis tombée sur... un morceau qui était tout en haut des classements. Et je me suis dit, mais c'est qui Zawania? Alors, au début, je lisais en français Giga. Je me suis dit, mais ah oui, c'est Gira. Et c'est Sri, là. Donc, ça veut dire qu'en fait, Shabba Zawania, après, je fais la recherche. Il y a plusieurs stades de chant, de chant, on va dire. C'est comme... À l'opéra, bon, on commence ce jeune chanteur, et puis chanteur confirmé, et puis un chanteur solo, admettons. Et là, en fait, c'est un peu le même truc dans le rail. Je ne savais pas qu'il y avait des catégorisations. Quand on débute, quand on est confirmé, et par la suite. Et du coup, elle portait donc l'adjectif épithète lié, petite, voilà, petite Zawania. Et donc le morceau s'appelle Sabeb, c'est rigolo, mardi. Et alors Sabeb, ça veut dire c'est la cause, donc c'est rigolo, Sabeb et mardi, parce que la cause c'était mardi. Et mardi, c'est le jour où j'ai déménagé, ça. Acte manqué. J'ai démissionné. Et c'est le jour également où ma mère était en Algérie au bout de 20 ans. Hein, vous voyez, elle était en France pendant 20 ans. Et là, elle est partie, elle a pris le bateau, elle est arrivée en Algérie, ça faisait 20 ans. Et j'ai trouvé ça rigolo que ce morceau s'appelle Sabeb Mardi. Parce que moi, j'ai démissionné et ma mère, elle est arrivée en Algérie. Et voilà, c'est très drôle. Voilà. Allez, on se termine là-dessus. Et donc, c'est un morceau qui est sorti en 1994. Sur un label oranais qui s'appelle Sidicave, et du coup ils ont fait une réédition cassette, donc et en tout cas une réédition digitale puisqu'on le trouve sur les plateformes de streaming. Et j'ai découvert aussi que sur Lyon il y a un lieu qui s'appelle qui a un lieu la place du pont, et c'est un centre des musiques traditionnelles de Rhône-Alpes. Et j'étais étonnée que en fait ils répertoriaient un peu tous les artistes maghrébins ou qui de mariage, etc. Et c'est assez surprenant. Bon, allez, Sabeb mardi, et à bientôt. Elle est baisse la main. ما قدرتش نقول حالي الواد